Je me suis livré d'ores et déjà au train volant tapis dans tes bras, aux avions qui nagent un coup dans l'air, dans l'île et ailleurs d'ailleurs, sur une toute autre île. J'ai cueilli des fleurs de peau, aimes-tu les lire? Marchantant et fleurant le plus beau des désirs. J'ai pris des bateaux qui roulaient trop vite. Voilà le tableau, les couleurs s'agitent. Je me suis livré d'horizon, largué, plaqué, or je n'étais pas assez prêt pour parer. Le rythme saccadé des railleries du sort, je me suis fait saigner dans mon livre d'or. J'ai rêvé d'été, de marée, de lac, de liberté, de chemin, d'objectif, d'Aigbelette à Galway. J'ai fraudé jamais trop sous ta couverture, j'ai rôdé à nouveau sans me ranger des voitures. ORT, aéré, quand la glace s'est brisée, j'y ai vu ton reflet. J'ai marché dans mes basques de petits français, peuplé une maison, épousé des saisons. J'ai vu la solitude à côté, je me suis senti vieux. Du bad trip au pur flip, jouer un jeu dangereux. J'ai couru un peu plus, pris un tas d'omnibus et me suis arrêté. Je me suis livré d'un air tranquille. Je n'ai plus le cœur au transport fragile. En commun, le sourire d'une fille du train, puis un chant sans frein avec que des refrains. J'ai trop fait d'histoire, de chansons, d'aparté. La parenthèse de ton sourire est fermée. La thèse, l'antithèse, la synthèse, le récit est récité. Je garde mes braises pour un autre foyer. Au nord, j'ai eu froid, au sud, j'ai eu chaud. D'est en ouest aussi, j'ai entendu l'écho, l'appel manifeste, le je t'aime en apeau. Alors j'ai suivi dans ma fuite en avant. Et je t'ai vu comme je vis moi, l'ami, l'amant. J'ai fermé les yeux, pliant te gardant dans les pas de mon livre d'or. Merci à tous d'être venus, à toutes et tous. Prochain concert de Fabergo, c'est à Metz, à l'Ausbar, à partir de 21h30, suivi de Parasigmatic. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Je crois que j'ai oublié de dire que c'était vendredi prochain à 21h30. Vendredi.